Chapitre 3. À quelques jours de là, Marius, qui était allé se chauffer à la cheminée de la cuisine des Balmettes, dit tout à coup à son hôte : « Docteur, j'ai envie de passer l'hiver à Talloire. Voulez-vous me louer deux chambres dans votre maison ?» L'étrase regarda en dessous son interlocuteur. « Hé hé !» répondit-il un peu railleur. « Ce n'est pas de refus. Pourtant, réfléchissez-y bien. Passer l'hiver à Talloire, c'est dur, et pour un Parisien, vous me paraissez bien hardi. Mûrissez-moi encore cette résolution pendant 24 heures. Demain, je serai absent, mais si vous persistez, revenez me voir après-demain et nous terminerons l'affaire. » Le soir, en se couchant, le vieux médecin se frottait les mains et marmonnait tout seul. « Allons, ça marche, ça marche. Voilà de mes désespérés. Ah, la jeunesse, la jeunesse. » Le lendemain, dès l'aube, le bonhomme Lettras partait pour Thônes. Avant de pousser les choses plus sérieusement, il n'était pas fâché de juger par ses propres yeux et de s'enseigner à la source. Il visita d'abord le notaire du canton qui l'éclaira de la façon la plus satisfaisante sur la situation des Bastiens. C'était la crème des honnêtes gens. Il travaillait comme personne et néanmoins, il joignit à peine les deux bouts, ayant une potée d'enfant. Puis il se fit indiquer la maison du Chalaisan et y entra sous prétexte d'acheter un lot de fromage persillé. On le connaissait de nom, car il avait jadis médicamenté tout le pays. Et il fut bien reçu par le père Bastien qui profita de son passage pour lui demander une consultation gratuite et lui parler de ses préoccupations domestiques. Les affaires marchaient bien, mais il avait beaucoup de bouches à nourrir, et il voyait le moment où il serait forcé de se séparer d'une de ses filles qui se louerait volontiers comme servante à la ville s'il y trouvait une bonne condition. Le vieux Lettras promit de s'enquérir d'une maison honorable et de donner prochainement réponse. Puis il rentra à Talloire, enchanté de Josette et de toute la famille. Dès son retour, Marius accourut aux Balmettes et annonça qu'il était plus que jamais décidé à hiverner au bord du lac. « Très bien, » dit Lettras, « mais n'ayez pas confiance en moi à moitié, et avouez franchement que vous êtes toujours féru de votre petite chalaisane. »« Eh bien oui, » répondit brusquement le poète, « j'en suis amoureux. C'est bête et ridicule, car elle ne sera jamais ma maîtresse, et quant au mariage, il n'y faut point penser. Pourquoi, si elle vous plaît ? Parce que, si dégagée que je sois des préjugés, elle n'a ni mon éducation ni mes goûts, et qu'au bout de peu de temps, nous rendrions la vie insupportable. Savoir, si elle vous aime, elle se pliera à tout. Il n'y a pas de nibleur plus habile que l'amour, et les femmes sont merveilleusement organisées pour ces sortes de transformations. D'ailleurs, vous-même, vous pourriez y aider. Comment cela ? En diminuant la distance qui vous sépare et en vous faisant un peu paysan. Moi ? Oui, ce sera plus facile que vous ne pensez. Au lieu de deux chambres, prenez en location les Balmettes tout entières et mettez le domaine en culture. Je vous promets de demeurer un bout de temps près de vous et de vous donner des conseils. Avant un an, quand vous serez bien battu avec la terre, vous posséderez assez de quartiers de paysannerie pour qu'il n'y ait plus entre vous et Josette ces disparités qui vous effrayent. Cela vous va-t-il ? Marius resta un moment méditatif. La proposition lui paraissait originale et ne déplaisait pas à son esprit dédaigneux des choses banales et des sentiers battus. « J'accepte, » murmura-t-il enfin. « Rien ne coûte d'essayer. »« Un instant, » reprit le vieux Lettras, « j'y mets une condition. C'est que vous vous engagerez sur l'honneur à ne point chercher à revoir Josette avant que je vous en octroie la permission. » Marius se rebiffa. Il trouvait cette exigence excessive et demandait un tempérament. Mais le bonhomme n'en démordit pas, et le poète finit par donner sa parole. Dès le lendemain, il transporta ses pénates aux Balmettes et commença son apprentissage. Les premières semaines furent très dures. Les travaux de réparation au bâtiment, les contrats à débattre avec les ouvriers, les discussions au cabaret, les longues stations au marché les jours de foire, tout cela lui parut grandement fastidieux au début. Peu à peu, cependant, ce régime du plein air et des levées matineux, ces exercices manuels qui ne laissaient de place aux divagations de la rêverie ni aux subtilités débilitantes de la philosophie du cheveu coupé en quatre, toute cette gymnastique nouvelle du corps et de l'esprit guérit ses nerfs, développa ses muscles et assainit sa pensée. Par exemple, de temps à autre, l'image de Josette se représentant plus vivement devant ses yeux, il perdait patience et suppliait Lettras de le relever de son serment, mais le bonhomme était inflexible. Aux approches de Noël, le temps s'étant mis à la gelée, Marius, qui avait pendant quelques semaines rongé son frein en silence, recommença ses lamentations. « Je n'y tiens plus, » s'écria-t-il, « je sèche sur place. Laissez-moi aller à Thônes. car enfin Josette ignore mes intentions, et si, tandis que je m'escrime à devenir un paysan, on allait la marier là-bas, vous conviendrez que ce serait un rude crève-cœur. Je comprends, répondit le vieux médecin, mais tout bien pesé, vous resterez au logis et c'est moi qui ferai le voyage. Je vous promets de voir Josette et de veiller à vos intérêts. C'est jeudi, marché à Thônes, et vous avez justement besoin d'une vache. J'irai l'acheter moi-même. Ainsi vous parlerez à Josette, reprit impétueusement le poète. Vous savez qu'elle demeure au Malnan. Il y a un balcon vert sous l'auvent et un noyer devant la maison. C'est bon, fit railleusement Letraz. Me voilà bien renseigné. Tenez-vous quoi, et souvenez-vous du proverbe. Tout vient à point qui sait attendre. Donc le jeudi, veille de Noël, le vieux médecin attela la jument à la carriole et fila dès le matin sur Thônes. Il alla droit au Malnan, heurta la porte qu'ombrageait le gros noyer, et ce fut justement Josette qui vint lui ouvrir. Letraz parla d'abord au père Bastien de la vache qu'il voulait acheter. Justement, le chalaisan avait une génisse à vendre, et on se mit aisément d'accord. Puis le médecin rappela Bastien leur conversation du mois de novembre. « Je viens, dit-il, de remettre en culture un domaine que j'ai au Balmette, à la porte de Talloire, et je me suis souvenu de l'intention où vous étiez de placer une de vos filles comme servante dans le voisinage. » Tout en parlant, le bonhomme examinait Josette à la dérobée. Au nom de Talloire, il vit les yeux de la jeune fille s'illuminer et sa physionomie devenir plus attentive. « Oui, poursuivit-il, j'aurais besoin d'une domestique entendue, sage et active, et j'ai pensé que votre aînée pourrait faire l'affaire, si vous étiez consentant, et elle aussi. » Le père Bastien resta un moment hésitant, puis, ayant consulté sa femme et Josette, tandis que Letraz était allé à l'étable examiner la génisse, il finit par déclarer que la sœur cadette étant en âge de remplacer son aînée au chalet, Josette pourrait bien consentir à entrer au service, pourvu que le gage fût convenable. Les deux hommes allèrent dîner à l'auberge pour débattre les termes définitifs de l'engagement, et à leur retour, il fut décidé que M. Letraz emmènerait sa nouvelle servante avec la génisse. Vers 3 heures, on ratela la carriole. Josette, les yeux rouges et le cœur gros, y monta avec ses paquets. La génisse fut attachée par un licou à l'arrière-train et on reprit au pas la route du col de Bluffy. Il avait fait de la bruine le matin, puis, le ciel s'éclaircissant et le vent d'est ayant soufflé, toutes ces buées humides, prises dans les arbres, s'étaient cristallisées et une poussière de givre couvrait les branches. Les bois, les buissons et les prés en étaient éblouissants et cette poudre diamantée, allant se fondre tout là-haut avec la neige immaculée des cimes, donnait à toute la nature l'aspect d'une blanche fiancée. Le vieux Letraz avait forcé Josette de s'envelopper dans sa propre limousine, d'où la tête de la jeune fille sortait, rose et fraîche, avec des scintillements dans ses yeux bleus. Ainsi, lui disait-il, tandis que la voiture montait la rampe d'Alex et que la vache meuglait doucement en souvenir de son étable, vous n'êtes point trop effrayé de venir au Balmette ? Mon Dieu, répondit-elle, j'aime mieux vivre là que partout ailleurs. Je connais déjà l'endroit et j'y serai moins loin de chez nous. Et puis vous y avez des amis, ou plutôt un ami, continua Letraz, la regardant dessous. Je ne comprends pas, reprit-elle en baissant la tête. Vraiment ? N'y connaissez-vous pas un jeune homme qui venait cet automne vous voir au Nantais ? Monsieur Marius ? S'écria-t-elle ingénument. Est-ce qu'il est encore dans le pays ? Oui, il y demeure toujours et même, à vous parler franc, je crois qu'il n'est resté à Talloire qu'à cause de vous. Josette ne desserrait plus les lèvres, mais on devinait qu'elle était émue et que son cœur battait fort, sous la limousine du vieux médecin. « Vous ne répondez pas, » insista Letraz. « Vous vous moquez, monsieur, » murmura-t-elle. « Je ne me moque pas en vous disant la vérité, » repartit le bonhomme gravement. « Il est de mon devoir de vous prévenir, afin que vous puissiez changer de résolution et retourner à Thônes, si la présence de ce garçon vous déplaît. « Pourquoi me déplairait-elle ? Quand on entre en condition chez les autres, on ne doit pas consulter son plaisir ou son déplaisir. Mais c'est que sans doute, je ne me suis pas bien fait comprendre. Voyez-vous, Josette, j'ai répondu de vous à vos parents et je vous parle un peu comme à mon enfant. Ce garçon vous aime. Et comme il est jeune et bien de sa personne, si vous veniez l'aimer à votre tour, il n'en saurait rien, s'écria-t-elle en perdant tout à fait la tête. Il n'en a jamais rien su. Vous l'aimiez donc ? Répliqua sournoisement le vieux Letraz. « Pourquoi me tourmentez-vous ainsi ? » soupira-t-elle, prête à pleurer, et se débattant dans toutes ces questions comme un oiseau pris au filet. « Oh, monsieur, vous aviez raison. Retournons à Thônes. Ramenez-moi chez nous. » « Non, mon enfant, » reprit paternellement Letraz, Je sais ce que je voulais savoir. Rassure-toi, Marius est un honnête garçon comme tu es une honnête fille, et tout se passera bien. » Elle ne répondait pas, très anxieuse, ne sachant plus à quoi elle devait s'attendre, désirant à la fois et craignant d'arriver au village. Ils avaient dépassé Menton. La nuit était venue, et avec la nuit, des milliers d'étoiles s'étaient allumées dans le ciel noir. Et quand ils furent en vue du lac, les cloches de Talloire et de Saint-Germain se mirent à carillonner en l'honneur de la fête de Noël. Pendant ce temps, Marius Pignerol veillait solitairement près de la cheminée de la cuisine des Balmettes, sans autre compagnie qu'un petit grillon qui chantait dans l'âtre. Il s'étonnait de ne pas voir rentrer les traces et grillait d'impatience. Tout à coup, le sabot d'un cheval et un bruit de roues résonnèrent sur la terre gelée de l'avenue. Il se précipita dehors et ne distingua rien d'abord, car le bonhomme, aidé de Josette, était allé tout droit remiser la génisse à l'étable. Puis lentement, il vit deux ombres se diriger vers l'escalier du perron. « Est-ce vous, docteur ? » cria-t-il. « Oui, » répondit le bonhomme en donnant le bras à la jeune fille dont les jambes tremblaient. « C'est moi et une autre personne de votre connaissance. »« Josette !» s'exclama Marius stupéfait. « Oui, mon garçon, Josette. J'ai pensé que vous seriez content de fêter ensemble la Noël, et je vous l'amène. Mais rentrons, car il fait froid là-dehors, un froid à fendre des pierres. » Quand ils furent rentrés, par la porte restée ouverte, le triomphant carillon des cloches de Noël entra avec eux. « Maintenant, » dit le vieux Letraz, en poussant Josette vers Marius Pignerol, « mes enfants, je sais que vous vous aimez. Embrassez-vous. Voici la nuit où l'on entend chanter dans le ciel, paix et joie aux hommes de bonne volonté. C'est une belle nuit pour des fiançailles, et j'espère bien que vous vous épouserez avant qu'il soit un mois. » À la fin de janvier, ils s'épousèrent, en effet, et dans le domaine des Balmettes, il y eut au moins trois personnes qui trouvèrent que la vie valait la peine d'être vécue. Ainsi se termine Josette par André Theuriet.